enfantée. Quand de la terre le plastique devient malgré elle son engrais. Main de l'homme sur le monde redessine les paysages. La musique est partout immonde. Cette terre est juste de passage pour flatter votre écho de passage. L'air du plastique du groupe Trio, un groupe tellement écologique qu'ils vont faire leur spectacle en transport collectif. Le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, rendu hier, nous a rappelé à quel point nous devons changer nos habitudes pour adopter des énergies qui produisent moins de gaz à effet de serre. Demain aura lieu à Québec une conférence du réseau éco-socialiste qui porte justement sur la question du virage pétrolier prise par l'actuel gouvernement du Québec. On en parle avec M. Jean-Claude Balu, membre du réseau éco-socialiste. M. Balu, bonjour. Oui, bonjour. Sur le site du réseau éco-socialiste, l'adresse est www.massecritique.org. On vous présente comme un militant éco-socialiste de gauche dans divers groupes et organisations. Demain à 16h, donc je le disais, va avoir lieu plus précisément à la Corrigan, c'est au 380 rue Dorchester, une conférence du réseau éco-socialiste sur le virage pétrolier du Québec. Peut-être dans un premier temps, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est l'éco-socialisme? Oui, l'éco-socialisme, c'est quand même un concept qui remonte assez loin. Moi, je le situerais à la fin des années 70, quand on a vraiment parlé d'écologie politique à cette époque-là. Donc, que des gens se sont dit il fallait pas juste constater les catastrophes écologiques, il fallait agir au niveau politique. Et à ce moment-là, il y a des gens qui ont commencé à penser, entre autres comme André Gorz, que le capitalisme, le système lui-même n'était peut-être pas compatible avec l'écologie, c'est-à-dire la préservation de l'environnement et de la vie sur Terre. C'est ça, ça a été la grande question. On ne l'a peut-être pas nommé écosocialiste tout de suite, mais ça part de cette réflexion, d'après moi. Oui, et il y a aussi l'aspect, le socialisme comme tel, c'est-à-dire une réponse collective à un problème qui touche l'ensemble de la population, quoi, l'ensemble des gens. C'est ça, c'est le mariage des deux. C'est le mariage d'un constat, d'une catastrophe qui s'annonce, une catastrophe écologique, et que si on veut remplacer le système, ben on n'a pas d'autre choix que de collectivement le prendre en charge notre économie. Donc, c'est le socialisme. Bien sûr, on souhaiterait un socialiste, une nouvelle forme de socialisme. Oui, tout à fait, parce qu'on se rappelle que la Russie, en fait, l'Union soviétique polluait aussi énormément. Voilà. C'était ce qu'on appelait du productivisme aussi. Ils voulaient rattraper aussi les pays capitalistes et ils faisaient des gros efforts en ce sens. D'ailleurs, ils l'ont, jusqu'à un certain point, ils ont réussi. Ils ont pollué presque autant, comme vous le dites, que les autres pays. Donc, nous, ce qu'on prône, c'est quand même un socialiste du 21e siècle, un socialiste qui abandonne cette idée de productivisme à tout prix, et d'autre part, qui soit démocratique, qui soit citoyen. On ne veut pas retourner à non plus une URSS qui était quand même un pays totalitaire et un pays dirigé par une classe bureaucratique. Donc, on voudrait que ça soit un socialiste ouvert. Qu'en est-il du réseau maintenant, éco-socialiste? Donc le réseau écosocialiste, il s'est fondé à partir de collectifs qui œuvrent au sein de Québec solidaire. Au départ, c'est lié à Québec solidaire. Mais ça ne l'est plus, si je comprends bien. Oui, ça l'est toujours, mais c'est un peu plus compliqué. Là, si vous me laissez les expliquer. Oui, donc, allez-y. Donc à l'intérieur de Québec solidaire, deux réseaux particulièrement, Masse critique et Gauche socialiste, se sont joints depuis la création de Québec solidaire en 2006, pour faire avancer des idées socialistes et éco-socialistes au sein de Québec solidaire. Donc, ces collectifs s'annoncent ouvertement. Donc, on est connu et reconnu au sein du parti. Et à un moment donné, l'année dernière, on s'est dit qu'on devrait fonder un réseau éco-socialiste au sein de Québec solidaire. Mais depuis, il s'est ouvert à des non-membres de Québec solidaire. Donc, il est plus large. Mais il n'est donc pas un collectif de Québec solidaire, parce que pour être un collectif de Québec solidaire, il faut que toutes les personnes soient membres du parti. Alors, ce n'est plus le cas. Donc, c'est un réseau plus large. Néanmoins, on ne veut pas fonder un nouveau parti politique non plus, là. Non, pas de... au fond, c'est un lieu de réflexion. C'est un réseau, donc, si j'imagine, c'est à l'ensemble du Québec, qui veut réfléchir, finalement, sur une façon de contrer les problèmes environnementaux, mais aussi d'avoir un autre type de société. C'est ça, un autre type de développement, on pourrait résumer ça comme ça. Un développement qui soit moins axé sur la production et qui soit plus axé, comme on dit, sur la valeur d'usage que plutôt sur la valeur d'échange pour procurer du profit aux grosses compagnies ou à ce qu'on appelle les 1%, là. Et il est ouvert à toute personne qui poursuit cet objectif. Il n'est pas nécessaire d'être membre d'un parti politique, si je comprends bien. Il n'est pas nécessaire d'être membre d'un parti politique. Je pense même qu'il y a une personne qui est membre du Parti québécois. Ah oui. Dans notre, il y en a peut-être plus, mais il y en a une que je connais, là. Bon. Venons-en maintenant au virage pétrolier du gouvernement québécois. Vous êtes contre ce virage pétrolier et prétendez même qu'il faut sortir du pétrole. Pourquoi? Donc, l'éco-socialiste, depuis longtemps, principalement mise sur la transition énergétique, parce que à cause des changements climatiques, particulièrement, parce qu'on se dit que ce soit par solidarité avec les peuples du Sud qui vont plus subir les effets des changements climatiques, surtout les pays africains et les pays d'Amérique du Sud, à cause de la désertification et du réchauffement qui va avoir des conséquences sur leur agriculture. Par solidarité avec ces pays-là, l'éco-socialiste se veut aussi internationaliste. On doit agir au niveau des changements climatiques et on doit donc faire une nouvelle stratégie énergétique qui soit différente de celle du gouvernement québécois, qui vise un abandon des énergies fossiles, et c'est ce qu'on vise. Oui. Alors que le gouvernement du Parti québécois, lui, vise carrément à développer, à extraire le pétrole et à bâtir l'économie du Québec autour du pétrole. C'est ce que Jonathan, mon collègue du réseau, dans sa présentation qu'il fera demain, lui, ce qu'il dit, c'est que le Québec, comme le Canada, est en train de devenir une province extractiviste, comme il dit. Oui. Jonathan, son nom de famille, c'est... Attendez, c'est Jonathan Durand-Folco. Voilà, alors lui, il va être avec vous et une autre personne, je crois, demain, c'est ça? Marie-Josée Béliveau. Voilà. Donc, vous allez être trois à aborder chacun un aspect différent de la question. C'est ça. Jonathan, lui, expose pourquoi l'extractivisme en général, l'extractivisme du Canada et l'extractivisme du gouvernement du Québec est une mauvaise solution, parce que ça emprisonne l'économie dans cette logique d'extractivisme, et après c'est difficile d'en sortir. Mmh. Et ça a des conséquences, c'est que le reste de l'économie, des petites entreprises en subit des conséquences. Mmh. On ne mise moins là-dessus, on mise sur les ressources qui sont non renouvelables et on vise à les épuiser de plus en plus. Dans un article paru sur le site Presse-toi à gauche en novembre 2012, vous écrivez qu'une évaluation environnementale, je vous cite à peu près approximativement, là, devrait aussi prendre en compte les autres risques environnementaux, outre le fait de ne pas atteindre les cibles de baisse des émissions des gaz à effet de serre, parce qu'on insiste beaucoup là-dessus, hein, on mise beaucoup sur cette question-là, mais il y a d'autres risques environnementaux. Pourriez-vous nous en parler? Oui, il y a tous les risques liés au déversement pétrolier. On en a eu un exemple à Lac Mégantic, le transport, que ce soit par train ou par pipeline, il y a toujours des risques de déversement, évidemment. Et d'accidents terribles, effectivement. D'accidents, mais il y a aussi toutes les autres formes de pollution, parce que le pétrole, que ce soit les camions, et surtout les camions diesel, émettent des petites particules fines. Il y avait eu à Montréal un rapport de la santé publique qui disait qu'ils attribuaient l'asthme chez les enfants et 1500 décès par année à cause de ça, de ce genre de pollution. Oui, c'est, effectivement, on parle de moins en moins. On met tellement l'accent sur sur le gaz à effet de serre qu'on parle moins de tous les problèmes environnementaux qu'on vit à cause du pétrole et de tous ses dérivés, de tous les produits fabriqués avec le pétrole, le plastique, finalement, l'ère du plastique, c'était ça, là. Oui, ben c'est ça. Je sais pas si vous êtes au courant, il y a cette immense mer de plastique au milieu des océans. Il n'y a pas que ça. Aussi, Marie-Josée Béliveau, demain, dans sa présentation, elle parlera de Fort McMurray, de l'extraction, les pollutions que les sables bitumineux causent à l'extraction. Les forêts qu'on détruit, les lacs qu'on pollue, les conséquences sur les populations autochtones. Tout ça, c'est d'autres risques. Que répondent aux arguments économiques qui vont dans le sens de l'exploitation des hydrocarbures, c'est-à-dire la consommation de pétrole coûte environ 4 milliards par année au Québec, ça risque d'aller en augmentant, ça va créer d'emplois, ça va rapporter en taxes. Qu'est-ce qu'on répond face à ces arguments plus économiques? Oui, c'est là que c'est le plus difficile à répondre, parce que oui, c'est vrai que si... on produit notre propre pétrole au Québec, on va avoir certains avantages économiques. Néanmoins, il faut quand même préciser que le pétrole au Québec, à l'heure actuelle, c'est pas du pétrole conventionnel. Hein. Oui. Que ce soit à l'île d'Anticosti, que ce soit... Oldhari, c'est du pétrole conventionnel, mais il est situé c'est une plateforme de forage, donc il y a tous les risques associés aux plateformes. En plus de ça, c'est dans une région où il y a des glaces flottantes et ainsi de suite, donc ça multiplie les risques. Il y a aussi le pétrole de la Gaspésie qui n'est pas non plus du pétrole conventionnel, c'est pas du pétrole de schiste, mais c'est une autre sorte de pétrole qui se loge dans des roches. Donc il va falloir employer aussi la fracturation. Donc ce pétrole-là coûte cher à produire, il n'y a pas tellement d'avantages économiques à le produire. Et puis l'autre argument est qu'on dit si on investissait ailleurs, ça produirait aussi d'autres avantages économiques. Par exemple, des investissements massifs dans le transport en commun. Au lieu de dire on va essayer d'avoir du pétrole moins cher, que ce soit le pétrole de l'Alberta, parce que à l'heure actuelle, on dit qu'il est un peu moins cher, parce que bon, il manque de débouchés, donc il est moins cher. Mais si on ouvre de nouveaux débouchés, les prix ont monté. Donc que ce soit d'aller chercher du pétrole moins cher en Alberta ou du pétrole de schiste à l'île d'Anticosti, ce qui peut aussi procurer des certaines retombées économiques. Nous, on préfère dire, mais investissez dans l'avenir, investissez dans le transport, investissez dans les énergies renouvelables. En fin de compte, créer une industrie autour de ça, ça va être plus rentable, d'après moi, et plus profitable pour le Québec à long terme. C'est ça, j'ai bien compris. Le fait de sortir du pétrole, ça ne peut être que bénéfique pour tout le monde. Pour l'économie. C'est sûr que c'est des choix politiques, c'est des choix difficiles. Ouais. Ça paraît plus facile pour un gouvernement de continuer sur la même lancée. Ouais, ça prend du courage politique. Dernière question. Pensez-vous que l'avenir va vous donner raison? Raison dans... écoutez, c'est difficile comme question. D'abord, je pense que... les politiciens pensent à court terme, voyez-vous. Oui. Il faut penser à long terme. Et si on réussit à convaincre le plus grand nombre de citoyens et citoyennes, oui, ça pourrait me donner raison. Mais il y a tout un chemin difficile. Il faut le faire quand même. Qu'on pense que... Disons, moi, j'essaye pas de penser comme ça. Est-ce que je vais avoir raison ou est-ce que je vais avoir tort? J'essaie plutôt d'aller dans le sens que je pense être le bon sens, être ce qu'il faut faire. Ensuite, moi j'ai 65 ans déjà, peut-être même je constaterai pas les résultats de ce que je dis. Donc j'agis plus par conviction. Oui, que j'aurai raison ou pas raison dans l'avenir. Oui, et pour nous, moi j'ai une petite fille là, qui a à peine un an, et il faut penser à nos petits-enfants aussi. Qui vont vivre les catastrophes si ça continue dans ce sens-là. Eh bien, merci beaucoup, monsieur Ballu. Je rappelle que vous êtes donc membre du réseau éco-socialiste et qu'il y a demain à 16h à la Corrigan, c'est au 380 rue Dorchester, une conférence de ce réseau sur le virage pétrolier du Québec. Trois aspects vont y être abordés. j'invite les gens à se rendre à la Corrigan et à réfléchir et à, ensemble, je pense que c'est pas seulement des gens qui vont parler, c'est qu'il va y avoir des échanges sur les meilleures façons finalement de sortir du pétrole. Oui, oui, exactement. Ça sera partagé la moitié du temps qu'on fait d'un exposé, puis l'autre moitié on échange. Bien, merci beaucoup. Au revoir. De rien, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était donc M. Balu. On va aller maintenant en musique. On va écouter la chanson Classe moyenne avec Anchois. Et c'est une façon de nous amener vers la deuxième partie de l'émission avec Robert Jasmin. J'ai rien dans mon bottin, mais ça n'a que rien trop fait pour la grosse poudrière. Tape ma galette, écroche ma boulette, pile dans mon assiette. Tape ma galette, écroche ma boulette, m'en va manger des miens. Je suis pas le plus brillant, j'ai passé mon cégep sur la fesse. Ouais, ma petite frette de temps en temps, ça m'aide à faire avancer mon stress. J'ai beau me promener les poches vides, pourtant je me sens pas plus léger. Mais au moins j'ai la vie lucide, ça fait que check moi bien aller. Voulez-vous bien me dire sacrement où c'est qui s'en va mon argent? Je suis un bon contribuable, de la moitié de ma paie. Montrez-moi pourquoi je suis pas capable de gagner mes pièces au soleil. Moi je porte mon pays à bout de bras, tout ça pour des mauvais services. Puis c'est chez nous qui pète de toc, on a plus d'argent dans le calice. Je suis dans la classe moyenne. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ça va être une classe moyenne à l'adresse avec un choix. Pas un mot de dimanche, prison à la maison, maison payée trop cher à cause de bulles immobilières. Il pleut un poitier, mon conseiller, pas ta guerre, que maintenant ma vie serait une crise humanitaire. Exemption d'impôts, pensais que c'était rien que dans les autres pays, y'avait les paradis fiscaux. Mais ces mesures-là créent de l'emploi, puis c'est bon pour l'économie. Le gouvernement fait ça pour moi, puis je suis pas capable de dire merci. Ça doit être parce que je suis gros flambeau, puis que je suis dans ma marche jusqu'au bout. Pendant ce temps-là, les statistiques m'annoncent que je m'appauvris, que mon endettement est chronique et que je vis sur du crédit. Quand c'est rendu une vraie montagne de me rendre à la fin du mois, et surtout pas me parler des banques, c'est comme la science-fiction pour moi. L'an prochain, puis quand l'huissier cognera, et quand le banquier me dira c'est refusé, je chanterai mon blues les pieds dans la bouse en regardant dans ta blouse. Yeah. Pas plus brillant, j'ai passé mon cégep sur la fesse. Où est ma petite traite de temps en temps, ça m'aide à faire passer mon stress. Ça déplore le cynisme ambiant à l'égard des politiciens, mais ça parle un peu moins souvent de leur mépris du citoyen. La politique est dans le brouillard, les réponses sont hors de question. Est-ce qu'elle danse dans les placards, la corruption? Se trouve dans une petite chose. Hé, hey, la grande, j'ai gagné 500 piastres! Pas de temps, j'ai qu'on fasse un voyage. Said you like my hair and my hat, cause you tied my hands behind my back and left me asleep on the railroad track.

à Sentier Secret, mardi 1er octobre, à 10h. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat à la Fournée Bio et Pure Passion Chocolatée au 1296 3e Avenue. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Vous écoutez CKRL 89.1 à Québec. C'est KRL et vous êtes toujours aussi à l'écoute de l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Je vous rappelle que vous pouvez devenir membre d'Attaque Québec en vous rendant sur le site le site d'Attaque Québec, www.attaquequebec.org. Et c'est très facile, vous allez voir, c'est très facile de devenir membre d'Attaque Québec. Vous pouvez aussi devenir membre, évidemment, de CKRL, toujours en vous rendant sur le site de CKRL, www.ckrl.qc.ca. Et vous pouvez là aussi très facilement devenir membre ou faire un don à CKRL. On apprécie beaucoup votre soutien. Deux sujets relatifs à la chronique sur les États-Unis avec Robert Jasmin cette semaine, ce mois-ci. Robert n'était pas en mesure d'être avec nous directement. Je l'ai rencontré un peu plus tôt ce matin. Et on était dans un endroit au centre-ville de Québec. Et nous avons causé, lui et moi, d'abord du phénomène Elizabeth Warren, la plus prometteuse des personnalités de gauche aux États-Unis. Et ensuite, on a abordé la question de la classe moyenne. Je faisais jouer classe moyenne aux anchois tantôt. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a beaucoup question du rétrécissement de la classe moyenne un peu partout à travers le monde. Aux États-Unis, c'est particulièrement dramatique. On va voir des chiffres avec Robert tantôt. Donc, on écoute cet entretien que j'ai eu avec Robert un peu plus tôt dans la journée. Robert Jasmin, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans un petit parc tout près de l'Université du Québec, hein, un magnifique samedi ensoleillé. Et on parle de deux sujets aujourd'hui avec toi dans ta chronique. Le premier, c'est le phénomène Elizabeth Warren, une femme qui n'est peu connue, mais qui est qui est en montée actuellement aux États-Unis. Et l'autre, c'est le premier de deux dossiers sur la classe moyenne. On va en reparler tantôt. Mais parlons d'abord d'Elizabeth Warren. Qui est-elle? Alors, Elizabeth Warren, c'est une sénatrice démocrate, il faut vraiment préciser. Une sénatrice, membre du Sénat américain, qui a été élue en 2012 contre Scott Brown, celui qui avait été élu à la suite de la mort du sénateur Edward Kennedy, sénateur progressiste. Et elle a gagné, elle était quand même pas si connue que ça, puis elle n'avait pas le prestige de Scott Brown. Elle a été élue à 53 ans au Sénat en remportant 53 % du vote. C'est déjà significatif. En quoi son élection était particulière? Alors, c'est qu'elle a fait une campagne électorale tout à fait originale, si on se place à la mesure des États-Unis. Elle faisait ce que nous faisions, je me rappelle, dans les années 60, l'élection de 66, j'ai fait une campagne électorale où on faisait des réunions de cuisine à répétition. Okay. Il n'y avait pas de grande... il n'y avait pas de publicité à la télévision, mais il y avait beaucoup, beaucoup de réunions de cuisine. Aller à la rencontre directe des gens, quoi. Pardon? Aller à la rencontre directe des gens. Exactement. C'est que en fait, elle disait, si je parle directement aux gens, ils vont comprendre. Et on va pouvoir se dire les vraies choses. Les journalistes ont eu la curiosité piquée par sa façon de faire. Ils l'ont suivi. Et là, on a le droit, si on va sur YouTube, par exemple, on voit des vidéos d'elle dans des salons, des cuisines, où elle parle aux gens. Et surtout, il faut voir le discours qui l'a rendu célèbre. Alors, c'est curieux parce que c'était un discours presque intime devant quelques personnes, mais ce discours-là a plus d'impact, on s'en souvient plus aujourd'hui que les discours des grands politiciens devant des grandes foules. À cause du phénomène YouTube, c'est ça? La diffusion à large échelle? C'est-à-dire que, oui, mais si on diffuse le vide à large échelle... Oui, tout à fait, tout à fait. C'est une combinaison, évidemment. Justement, parlons-en du contenu. Tu peux nous en donner une idée? Oui, alors, j'ai avec moi l'essentiel que j'ai tenté de traduire. Puis, en gros, voici ce qu'elle dit dans ce fameux discours. Elle dit... Il n'y a personne dans ce pays qui est devenu riche par sa seule force. On their own, qu'elle dit. En fait, elle dit personne. Vous construisez une usine quelque part, tant mieux pour vous. Mais je veux être clair. Vous avez transporté votre marchandise jusqu'au point de vente en utilisant les routes que collectivement nous avons payées. Vous avez embauché des salariés que nous avons collectivement éduqués et pour l'éducation desquels nous avons tous payé. Vous étiez en sécurité dans votre usine grâce aux policiers et aux pompiers pour lesquels nous payons collectivement. Maintenant, écoutez, c'est toujours elle qui parle. Vous avez bâti une usine et elle s'avère un succès fantastique. Tant mieux pour vous. Gardez une partie de ce que ça rapporte. Mais n'oubliez pas qu'un contrat social vous lie à la collectivité et en vertu de ce contrat, vous devez verser une partie de vos gains à la collectivité pour la génération qui vient. Je connais quelques personnes au Québec qui auraient intérêt à lire et relire et méditer sur ce discours, effectivement. Oui, c'est tout à fait juste. Son arrivée au Sénat a dû être remarquée. Ça n'a pas tardé. Hein? Elle s'est installée dans des commissions. Puis dans une des commissions du Congrès, il faut voir ça de près. Hein? Ça aussi, c'est sur Internet. En fait, on a juste à taper son nom, Elizabeth Warren. Puis on a les principales interventions depuis un an de sa part. Et celle-là, elle vaut son pesant d'or. C'est extraordinaire parce que la caméra nous montre à la fois... elle qui pose la question, et les gens d'une commission, c'est une commission, une agence gouvernementale qui est chargée de surveiller le comportement des banques. Et elle ne cesse de poser toujours la même question. Contrairement aux autres sénateurs qui, n'obtenant pas la réponse demandée, vont passer à d'autres choses. Elle revient tout le temps à la charge. Et c'est de voir la figure déconfite des responsables de l'agence quand ils se font bombarder par cette même question-là. Et elle dit... Quelle est la question? Elle dit... elle revient toujours à la charge en disant combien de responsables, de banquiers responsables de la crise de 2008 avez-vous amené devant les tribunaux? Et là, évidemment, oh là là. Ils répondent toutes sortes de choses. Hein? On a bien fait des enquêtes, on a fait des ententes. Puis elle revient. Non, c'est pas la question que vous avez posée sur vos enquêtes. Combien avez-vous traîné devant les tribunaux? Évidemment, on revient à une expression qu'elle utilise. Parce qu'à l'époque de la crise de 2008, on se souvient que Obama, le gouvernement américain, avait sauvé les banques. Pourquoi? Parce qu'on disait... L'économie va s'effondrer si on ne les sauve pas. L'expression utilisée, c'était « too big to fail ». Ouais. Les banques sont trop importantes pour qu'on les laisse tomber. Mais là, elle dit, il faut ajouter non seulement « too big to fail », mais « too big for trial », trop importante pour les amener devant les tribunaux. Alors, son objectif, c'était de convaincre la population de faire pression sur les élus du Congrès pour que celui-ci remette en vigueur le Glass-Steagall Act. C'est la loi qui était en vigueur de 1933. Il faut se rappeler, c'est l'époque du New Deal. ou l'Amérique. Oui, avec Roosevelt. Avec Roosevelt, qui a imprimé une politique très progressiste aux États-Unis et qui a été valable jusqu'aux années 80, alors qu'en 80, ça a été la débandade. Elle a été complètement démantelée par Reagan et ses successeurs, y compris Bill Clinton. Oui. Parlant de cette loi, la loi Glass-Steagall, en gros, elle dit quoi, cette loi? Oui, en fait, il y a beaucoup de choses dans cette loi-là, mais principalement, la loi dit que les banques doivent être très réglementées en distinguant les deux grandes fonctions d'une banque. C'est-à-dire, d'un côté, l'épargne que leur confient les citoyens et les entreprises, et de l'autre côté, les investisseurs à haut risque, les spéculateurs. L'abolition des règlements ou de la frontière entre les deux fonctions a été le facteur déterminant de la crise, de l'avènement de la crise mondiale de 2008. Oui. Un retour à cette loi ne serait sûrement pas apprécié par Wall Street. Non. Alors, il faut voir comment Wall Street a peur d'Elizabeth Warren. On fait tout et on utilise surtout les grands médias corporatifs pour la noircir aux yeux de l'opinion. Alors, évidemment, sur la ligne de front, il y a Fox News, l'infâme Fox News qui tire à boulet rouge, et leur discours est toujours le même. Et ça, écoutez ça, et vous allez entendre les radios poubelles constantes de chez nous. C'est grâce aux 1% riches de la population que le 99% qui reste peut espérer avoir du travail et une économie en santé. Aïe, aïe, on n'est pas loin de l'esclavage du temps des pharaons, là. Oui, mais c'est à toute fin pratique, c'est ce qui est en train de se passer. Mme Warren, elle, inverse la chose et soutient qu'au contraire, sans le 99%, le 1% n'aurait rien. En somme, que la classe sociale qui forme le 1% est une classe sociale parasite. Alors, je pense que... Oui, je comprends que son discours n'est pas très apprécié par les gens de Wall Street. Je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle, n'est-ce pas? Non. Et surtout pas depuis son fameux discours qu'elle a prononcé il y a quelques semaines, le 8 septembre. Ça aussi, on peut l'avoir sur Internet. Là, ça vaut la peine de voir l'audience. C'est le congrès de l'AFL-CIO. L'AFL-CIO, si on transposait ça au Québec, ça donnerait CSN, Trade Union, FTQ. Ouais. Le CTC du Canada, quoi. C'est le CTC du Canada, d'une certaine façon. Voilà. Bon. Et ça semble causer tout un émoi dans la classe politique. Et pourquoi? Parce que dans ce discours, elle a fait l'histoire économique du 20e siècle en prouvant que sans les syndicats, et ça on peut dire la même chose au Québec, là, sans les syndicats, on n'aurait pas les mesures sociales, la protection sociale dont on jouit tout le monde aujourd'hui. N'en déplaise à tous les ténors de la droite là, qu'on entend sur nos ondes et qu'on lit dans le Journal de Québec. Là. Bon. Surtout, ce qui a fait parler de ce discours, c'est qu'elle attaque de front tous les juges de droite de la Cour suprême. Aïe, aïe, aïe. Et là, elle est vraiment là, ce qu'elle dit sur ces juges-là, c'est... en fait, elle va jusqu'à dire à la fin de son discours, ces juges sont... La Cour suprême est devenue une filiale des grandes corporations. Rien de moins. Rien de moins. Bien, souhaitons qu'Elizabeth Warren réussisse à convaincre une majorité de la population américaine de voter pour elle. Robert, on va faire une courte pause et on va revenir avec le deuxième sujet qui est celui de la classe moyenne. nous sommes de retour avec Robert Jasmin pour sa chronique sur les États-Unis. On va aborder brièvement cette fois-ci, on va mettre la table en quelque sorte sur un autre sujet, mais qui n'en est pas moins important, c'est le sujet de la disparition de la classe moyenne aux États-Unis. Dans un premier temps, on va faire un portrait de cette classe moyenne avec Robert. Et on va revenir par la suite sur les causes, finalement, de cette de la disparition de la classe moyenne. Commençons donc par ce mythe de la classe moyenne qui est la plus riche au monde. Qu'en est-il au juste? Oui, en fait, c'est vraiment un mythe. Dans les documents que j'ai consultés, les analystes disent le grand mensonge, donc la grande illusion au moins, à l'effet que la classe moyenne américaine serait la plus riche au monde. Et ça vient du fait que les États-Unis sont effectivement le pays le plus riche au monde. Ils ont le plus grand nombre de milliardaires et de millionnaires. En plus, le plus riche citoyen se sont accaparés de la richesse mondiale plus qu'aucun autre groupe au monde. Tout ça, c'est vrai. Ils ont des agents de change, ceux qu'on appelle les traders à la bourse, qui gagnent en une heure ce qu'une famille moyenne mettra 21 ans à gagner. C'est complètement incroyable. Oui, en une heure. Donc, c'est des chiffres qui dépassent l'entendement, là. Mais le mythe le plus répandu par la propagande des grands médias qui sont à la solde des grandes corporations, et ici même au Québec, on le voit, c'est le même discours, c'est que cette richesse des quelques-uns retombe en cascade et augmente la richesse de l'ensemble des citoyens. Or, il n'y a rien de plus faux, et les chiffres sont là pour le prouver. Bien, justement, on va regarder ces chiffres parce que souvent, on a l'habitude de parler de revenus moyens, qui est finalement, on prend tous les revenus, on divise ça par le nombre de personnes, ça donne un revenu moyen. Mais quand on prend le revenu médian, on a un tout autre portrait, qui est ce que gagne, en fait, la population, on divise la population en deux, c'est ça le revenu médian. Ben oui, si vous prenez dans une, je pense que l'image... Oui, dans une taverne, si Bill Gates rentre dans une taverne, tout le monde devient millionnaire d'un coup, là. Ça, c'est le revenu moyen. Mais le revenu médian, c'est autre chose. Oui. Bill Gates va garder toute sa richesse et les autres vont être toujours aussi pauvres. Exactement, exactement. Alors, si on compare la richesse de la classe moyenne américaine avec celle des autres pays développés, elle se classe au 27e rang. 27e rang, c'est alors, incroyable. Oui. Alors, je pense que juste dire ça, là, ça frappe peut-être un peu l'imagination, mais pour que ça frappe encore plus, oui. Il faut savoir que quand on regarde un graphique, quand on voit, par exemple, que l'Espagne, on sait dans quel état se retrouve l'Espagne aujourd'hui. Oui, on a l'impression qu'elle est complètement à terre. Oui. Oui. Mais la classe moyenne espagnole, la classe moyenne italienne, la classe moyenne même de Taïwan est mieux pourvue de richesses que la classe moyenne américaine. Et même la classe moyenne du Koweït, j'ai vu dans vos chiffres. Oui, exactement. Donc, évidemment, il y a toute une liste de pays, là. Mais pour se situer là-dedans, le Canada et la France sont sur un pied d'égalité avec 81 000 $ par ménage. Ça, c'est médian, là. C'est le revenu médian. Et si on regarde les États-Unis, c'est 38 000. Aïe, aïe. Donc, c'est pas un portrait très, très réjouissant, finalement. Non. Et comment on peut imaginer ce portrait-là? Alors, pour ça, il faut préciser que la richesse ne se calcule pas uniquement avec le revenu annuel. On mesure la richesse en additionnant, évidemment, l'ensemble de ce qu'on possède, là. Par exemple, ce que j'ai en banque, la maison que je possède, ça, c'est des biens, oui, et des biens qui assurent en général la satisfaction des besoins élémentaires, là. Je mange, j'ai un toit. Mais la richesse, c'est beaucoup plus que ça. Ce sont l'ensemble de tous les programmes de sécurité sociale qui permettent, entre autres, de traverser une crise sans tout perdre. C'est des mesures qui nous garantissent l'accès à l'éducation, aux soins de santé, sans mettre en danger notre habitation et sans nous endetter pour la vie. Or, quelle est la réalité aux États-Unis? Et on le verra à la prochaine émission, on verra plus en détail. Mais juste pour donner un aperçu, juste les soins de santé, on paye plus aux États-Unis en soins de santé. C'est privé, mais on paye plus. Et que tous les pays industrialisés, sans exception. Ouais. Ça met vraiment bien la table pour votre prochaine chronique, Robert. Merci beaucoup et à la prochaine. C'est un plaisir. Voilà, donc, c'était la chronique de Robert Jasmin sur à la fois sur Elizabeth Warren, mais aussi sur la question de la classe moyenne. Fort intrigante, cette question de la classe moyenne. Enfin, on verra ce qu'il en résultera lors de sa prochaine chronique dans un mois. On poursuit avec les événements à surveiller cette semaine. Ça, c'est grâce au calendrier média de la démocratie en action. La démocratie, c'est vous. Ça, c'est produit par le réseau du Forum social de Québec sur le Terre-Appalaches. On peut accéder à ce calendrier en faisant le www.réseauforum en un seul mot.org /grille/calendrier. Présentement, du 27 au 29 septembre, ce sont les Journées de la culture. Il y a près de 300 activités culturelles dans la capitale nationale seulement, donc partout à travers le Québec, il y a plein d'activités culturelles. Et il faut défendre la culture. En fait, c'est même le slogan de la semaine, cette semaine, défendre la culture en tout lieu pour cette 17e édition. Si vous voulez en savoir davantage, parce qu'il y a tellement d'événements, je ne les énumérerai pas tous, évidemment, vous allez à www.journée-au-pluriel-de-la-culture-en-un-seul-mot.qc.ca. Ensuite, le 28 septembre, présentement, en ce moment même, la manifestation s'est ébranlée à 1h, je crois, c'est la grande manifestation refusant les hausses de tarifs d'électricité et les mesures d'austérité. Ça, c'est à Montréal, à la place Philippe. Et c'est donc contre cette idée de hausser les tarifs d'électricité. D'ailleurs, on dit, les organisateurs disent que lors de la dernière campagne électorale, le Parti québécois promettait du changement, c'est-à-dire l'abolition de la taxe santé, l'annulation de la hausse des tarifs d'électricité, l'augmentation de l'impôt des plus riches, des redevances sur les ressources naturelles, etc. Tout ça n'a été que mensonge, disent-ils. Sitôt élu, le Parti québécois a balayé du revers de la main ses belles promesses et a plutôt choisi de continuer le travail amorcé par le Parti libéral en poursuivant la mise en place de mesures d'austérité et en appauvrissant les plus pauvres et la classe moyenne. 29 septembre, demain, c'est une conférence intitulée « Le territoire, où en sommes-nous ?» Ça, c'est au Musée de la civilisation, c'est à l'auditorium Roland Arpin du Musée de la civilisation. C'est dans le cadre du 25e anniversaire du musée. Ah, c'est Denis Vaugeois, Henri Dorion et Pierre Casalis qui vont nous entretenir de cette question du territoire. Il y a d'abord Denis Vaugeois, il est aussi éditeur, historien et éditeur, qui va nous livrer sa vision du développement du territoire québécois et de la population. Politique de développement, rapport aux Premières Nations, fusion municipale, immigration, éducation, il y a autant de sujets qu'il va mettre en perspective avec de façon historique. Deux passionnés de géographie offrent la répartie à l'historien, Henri Dorion et Pierre Casalis. Il y a un coût de 6 $ ou 4 $ pour les étudiants et les abonnés du musée. Réservation requise au 643-2158. Vous avez jusqu'à 5 minutes avant 14h demain pour réserver vos places. Formation sur le virage pétrolier du PQ, j'en parlais tantôt, à la Corrigan, au 380 rue Dorchester à Québec. C'est la première formation du réseau éco-socialiste à Québec. Alors ça, c'est à compter de 16h. 29 septembre, toujours, pique-nique urbain, forum sociopolitique ouvert à toutes et à tous. C'est au coin René-Lévesque et Cartier, la rue Cartier. C'est une... Il y a aussi le 1er, c'est de 11h à 13h, il y a aussi le 1er octobre une conférence débat lutte urbaine et mouvements sociaux, enjeux et subversion de l'espace avec plusieurs invités. Ça, c'est au Parc Coop La Gité